Orso fut longtemps à s'endormir et par conséquent s'éveilla tard, du moins pour un Corse. À peine levé, le premier objet qui frappa ses yeux, ce fut la maison de ses ennemis et les archères qu'il venait d'y établir. Il descendit et demanda à sa sœur. « Elle est à la cuisine qui fond des balles, » lui répondit la servante de Saveria. Ainsi, il ne pouvait faire un pas sans être poursuivi par l'image de la guerre. Il trouva Colomba, assis sur un escabeau, entouré de balles nouvellement fondues, coupant les jeux de plomb. « Que diable fais-tu là ? » lui demanda son frère. « Vous n'aviez point de balles pour le fusil du colonel, » répondit-elle de sa voix douce. « J'ai trouvé un moule de calibre, et vous aurez aujourd'hui 24 cartouches, mon frère. Je n'en ai pas besoin, Dieu merci. Il ne faut pas être pris au dépourvu, Ors Anton. Vous avez oublié votre pays et les gens qui vous entourent. Je l'aurais oublié, que tu me le rappellerais bien vite. Dis-moi, n'est-il pas arrivé une grosse malle il y a quelques jours ? Oui, mon frère. Voulez-vous que je la monte dans votre chambre ? Toi, la monter ? Mais tu n'aurais jamais la force de la soulever. N'y a-t-il pas ici quelque homme pour le faire ? Je ne suis pas si faible que vous le pensez, dit Colomba, en retroussant ses manches et découvrant un bras blanc et rond, parfaitement formé, mais qui annonçait une force peu commune. « Allons, Saveria, » dit-elle à la servante, « aide-moi. » Déjà, elle enlevait seule la lourde malle, quand Orso s'empressa de l'aider. « Il y a dans cette malle, ma chère Colomba, dit-il, quelque chose pour toi. Tu m'excuseras si je te fais de si pauvres cadeaux, mais la bourse d'un lieutenant en demi-solde n'est pas trop bien garnie. » En parlant, il ouvrait la malle et en retirait quelques robes, un châle et d'autres objets à l'usage d'une jeune personne. « Que de belles choses !» s'écria Colomba. « Je vais bien vite les serrer, de peur qu'elles ne se gâtent. Je les garderai pour ma noce, » ajouta-t-elle avec un sourire triste, « car maintenant, je suis en deuil. » Et elle baisa la main de son frère. « Il y a de l'affectation, ma sœur, à garder le deuil si longtemps. Je l'ai juré, » dit Colomba d'un ton ferme. « Je ne quitterai le deuil ?» Et elle regardait par la fenêtre la maison des Barricines. « Que le jour où tu te marieras ?» dit Orso, cherchant à éviter la fin de la phrase. « Je ne me marierai, » dit Colomba, « qu'à un homme qui aura fait trois choses. » Et elle contemplait toujours d'un air sinistre la maison ennemie. « Jolie comme tu es, Colomba, je m'étonne que tu ne sois pas déjà marié. Allons, tu me diras qui te fait la cour. D'ailleurs, j'entendrai bien les sérénades. Il faut qu'elles soient belles pour plaire à une grande vociératrice comme toi. Qui voudrait une pauvre orpheline ? Et puis, l'homme qui me fera quitter mes habits de deuil fera prendre le deuil aux femmes de là-bas. Cela devient de la folie, se dit Orso. Mais il ne répondit rien pour éviter toute discussion. Colomba présente alors à son frère une veste de velours vert, un bonnet de velours noir, la cartouchière de son père, le revolver et un stylet. Amusé par ce déguisement d'opéra comique, Orso annonce, en revanche, à sa sœur qu'il veut achever son éducation, trop négligée.